Nouvelle 12, Collidor. Son parrain, un maniaque pépiniériste de mots, avait exigé qu'il s'appelât, comme lui, Polydore. Mais nous, ses amis, considérant à juste titre que ce terme de Polydore était suprêmement ridicule, avions vite affublé le brave garçon du sobriquet de Collidor, beaucoup plus joli, euphonique et suggestif davantage. Lui d'ailleurs était ravi de ce nom, et ses cartes de visite n'en portaient point d'autres. Également, on pouvait lire en belle gothique Collidor sur la plaque de cuivre de la porte de son petit rez-de-chaussée, situé au 5e étage du 327 de la rue de la Source, Auteuil. Il exigeait seulement qu'on orthographiât son nom ainsi que je l'ai fait, un seul L, un Y et pas deux à la fin. Respectons cette inoffensive manie. Je ne suis pas arrivé à mon âge sans avoir vu bien des drôles de corps, mais les plus drôles de corps qu'il m'a été donné de contempler me semblent ne pas le gnognotte auprès de Collidor. Quelqu'un, Victor Hugo, je crois, a appelé Collidor le sympathique chef de l'école loufoque et il a eu bien raison. Chaque fois que j'aperçois Collidor, tout mon être frémit d'allégresse jusque dans ses fibres les plus intimes. « Bon, me dis-je, voilà Collidor, je ne vais pas m'embêter. » Pronostic jamais déçu. Hier, j'ai reçu la visite de Collidor. « Regarde-moi bien, m'a dit mon ami. Tu ne me trouves rien de changé dans la physionomie ?» Je contemplais la face de Collidor et rien de spécial ne m'apparut. « Eh bien, mon vieux, reprit-il, tu n'es guère physionomiste. Je suis marié. »« Ah bah !»« Oui, mon bonhomme, marié depuis une semaine. Encore 1000 à attendre et je serai bien heureux. »« 1000 quoi ?»« 1000 semaines, parbleu. » Mille semaines, attendre quoi? Quand je perdrai 2 heures à te raconter ça, tu n'y comprendrais rien. Tu me crois donc bien bête. Ce n'est pas que tu sois plus bête qu'un autre, mais c'est une si drôle d'histoire. Et sur cette alléchance, Collidor se drapa dans un sépulcral mutisme. Je me sentais décidé à tout, même au crime, pour savoir. Alors, fis-je de mon air le plus indifférent, tu es marié? Parfaitement. Elle est jolie, ridicule, riche, pas un sou. Alors quoi? Puisque je te dis que tu n'y comprendrais rien. Mes yeux suppliants le firent se raviser. Collidor s'assit dans un fauteuil, n'alluma pas un excellent cigare et me narra ce qui suit. Tu te rappelles le temps infâme que nous prodigua le Seigneur durant tout le joli mois de mai. J'en profitais pour quitter Paris et j'allais à Trouville, livrer mon corps d'albâtre au baiser d'Amphitrite. En cette saison, l'immeuble à Trouville n'est pour rien. Moyennant une bouchée de pain, je louais une maison tout entière, sur la route d'Honfleur. Ah, une bien drôle de maison, mon pauvre ami. Imagine-toi un heureux mélange de palais florentin et de chaumières normandes avec un rien de pagodin doux brochant sur le tout. Entre 2 baisers d'Amphitrite, j'excursionnais vaguement dans les environs. Un dimanche entre autres. Oh, cet inoubliable dimanche! Je me promenais à Houlbec, un joli petit port de mer, ma foi, quand des flots d'harmonie vinrent me submerger tout à coup. À 2 pas, sur une place plantée d'ormes séculaires, une fanfare, probablement municipale, jetait au ciel ses mugissements les plus mélodieux. Et autour, tout autour de ces orphées en délire, tournaient sans trêve les Houlbecois et les Houlbecoises. Parmi ces dernières, crois-tu au coup de foudre? Non. Eh bien, tu es une sinistre brute. Moi non plus, je ne croyais pas au coup de foudre, mais maintenant. C'est comme un coup qu'on reçoit là, pan, dans le creux de l'estomac, et ça vous répond un peu dans le ventre. Très curieux, le coup de foudre. Parmi ces dernières, disais-je donc, une grande femme brune d'une 40aine d'années tournait, tournait, tournait. Est-elle jolie? Je n'en sais rien. Mais à son aspect, je compris tout de suite que c'en était fait de moi. J'aimais cette femme, et je n'aimerais jamais qu'elle. Fiche-toi de moi si tu veux, mais c'est comme ça. Elle s'accompagnait de sa fille, une grande vilaine demoiselle de 20 ans, anguleuse et sans grâce. Le lendemain, j'avais lâché Trouville, mon castel auvergnat-japonais, et je m'installai à Houlbec. Mon coup de foudre était la femme du capitaine des douanes, un vieux bougre pas commode du tout et joueur à la manie aux enchères comme feu manie aux enchères lui-même. Moi qui n'ai jamais su tenir une carte de ma vie, je n'hésitais pas. pour me rapprocher de l'idole, à devenir le partenaire du terrible gabelou. Oh, ces soirées au café de Paris! Ces effroyables soirées uniquement consacrées à me faire traiter d'imbécile par le capitaine, parce que je lui coupais ses manies ou parce que je ne les lui coupais pas, car à l'heure qu'il est, je ne suis pas encore bien fixé. Et puis, je ne me rappelais jamais que c'était le 10 le plus fort à ce jeu-là. Oh, ma tête, ma pauvre tête! Un jour enfin, au bout d'une semaine environ, ma constance fut récompensée. Le gabelou m'invita à dîner. Charmante, la capitaine, et d'un accueil exquis. Mon cœur flamba comme braise folle. Je mis tout en œuvre pour arriver à mes détestables fins, mais je pus me fouiller dans les grandes largeurs. Je commençais à me sentir tout calamiteux quand un soir, oh, cet inoubliable soir, nous étions dans le salon. Je feuilletais un album de photographie et elle, l'idole, me désignait. Mon cousin Chose, ma tante Machin, une belle-sœur de mon mari, mon oncle un tel, etc., etc. Et celle-ci, la connaissez-vous? Parfaitement, c'est Mademoiselle Claire. Eh bien, pas du tout, c'est moi, à 20 ans. Et elle me conta qu'à 20 ans, elle ressemble exactement à Claire, sa fille. Si exactement qu'en regardant Claire, elle s'imaginait se considérer dans son miroir d'il y a 20 ans. Était-ce possible? Comment cette adorable créature, potelée si délicieusement, avait-elle pu être une telle fille sèche et maigre? Alors, mon pauvre ami, une idée me vint qui m'inonda de clarté et de joie. Enfin, je tenais le bonheur. Si la mère a ressemblé si parfaitement à la fille, me dis-je, il est certain qu'un jour la fille ressemblera parfaitement à la mère. Et voilà pourquoi j'ai épousé Claire, la semaine dernière. Aujourd'hui, elle a 20 ans, elle est laide. Mais dans 20 ans, elle en aura 40, et elle sera radieuse comme sa mère. J'attendrai, voilà tout. Et Colidor, évidemment très fier de sa combinaison, ajouta « Tu ne m'appelleras plus loufoque maintenant, hein ?»